L'épingle, par Guy de Maupassant. Je ne dirai ni le nom du pays, ni celui de l'homme. C'était loin, bien loin d'ici, sur une côte fertile et brûlante. Nous suivions, depuis le matin, le rivage couvert de récoltes et la mer bleue couverte de soleil. Des fleurs poussaient tout près des vagues légères, si douces, endormantes. Il faisait chaud. C'était une molle chaleur parfumée de terre grasse, humide et féconde. On croyait respirer des germes. On m'avait dit que, ce soir-là, je trouverais l'hospitalité dans la maison du Français qui habitait au bout d'un promontoire, dans un bois d'orangers. Qui était-il? Je l'ignorais encore. Il était arrivé un matin, 10 ans plus tôt. Il avait acheté de la terre, planté des vignes, semé des grains. Il avait travaillé, cet homme, avec passion, avec fureur. Puis, de mois en mois, d'année en année, agrandissant son domaine, fécondant sans arrêt le sol puissant et vierge, il avait ainsi amassé une fortune par son labeur infatigable. Pourtant, il travaillait toujours, disait-on, levé dès l'aurore, parcourant ses champs jusqu'à la nuit, surveillant sans cesse, il semblait harcelé par une idée fixe, torturé par l'insatiable désir de l'argent, que rien n'endort, que rien n'apaise. Maintenant, il semblait très riche. Le soleil baissait quand j'atteignis sa demeure. Elle se dressait en effet au bout d'un cap, au milieu des orangers. C'était une large maison carrée, toute simple, et dominant la mer. Comme j'approchais, un homme à grande barbe parut sur la porte. L'ayant salué, je lui demandai un asile pour la nuit. Il me tendit la main en souriant. « Entrez, monsieur, ou vous êtes chez vous. » Il me conduisit dans une chambre, mit à mes ordres un serviteur, avec une aisance parfaite et une bonne grâce familière d'homme du monde. Puis il me quitta en disant « Nous dînerons lorsque vous voudrez bien descendre. » Nous dînâmes, en effet, en tête à tête, sur une terrasse en face de la mer. Je lui parlai d'abord de ce pays si riche, si lointain, si inconnu. Il souriait, répondant avec distraction. « Oui, cette terre est belle, mais aucune terre ne plaît loin de celle qu'on aime. Vous regrettez la France ? Je regrette Paris. Pourquoi n'y retournez-vous pas ? Oh, j'y reviendrai. » Et, tout doucement, nous nous mîmes à parler du monde français, des boulevards et des choses de Paris. Il m'interrogeait en homme qui a connu cela, me citait des noms, tous les noms familiers sur le trottoir du Vaudeville. « Qui voit-on chez Tortoni aujourd'hui ?»« Toujours les mêmes, sauf les morts. » Je le regardais avec attention, poursuivi par un vague souvenir. Certes, j'avais vu cette tête-là quelque part. Mais où ? Mais quand ? Il semblait fatigué, bien que vigoureux, triste, bien que résolu. Sa grande barbe blonde tombait sur sa poitrine, et parfois il la prenait près du menton, et, la serrant dans sa main refermée, l'y faisait glisser jusqu'au bout. Un peu chauve, il avait des sourcils épais et une forte moustache qui se mêlait au poil des joues. Derrière nous, le soleil s'enfonçait dans la mer, jetant sur la côte un brouillard de feu. Les orangers en fleurs exhalaient dans l'air du soir leur arôme violent et délicieux. Lui ne voyait rien que moi, et le regard fixe, il semblait apercevoir dans mes yeux, apercevoir au fond de mon âme l'image lointaine, aimée et connue du large trottoir ombragé qui va de la Madeleine à la rue Drouot. « Connaissez-vous Boutrel ?»« Oui, certes. »« Est-il bien changé ?»« Oui, tout blanc. »« Et la Ridamie ?» Toujours le même. Et les femmes? Parlez-moi des femmes. Voyons, connaissez-vous Suzanne Werner? Oui, très forte, finie. Ah, et Sophie Astier? Morte. Pauvre fille, est-ce que... connaissez-vous... Mais il se tut brusquement. Puis, la voix changée, la figure pâlit soudain, il reprit. Non. Il vaut mieux que je ne parle plus de cela, ça me ravage. Puis, comme pour changer la marche de son esprit, il se leva. Voulez-vous rentrer ? Je veux bien. Et il me précéda dans sa maison. Les pièces du bas étaient énormes, nues, tristes, semblaient abandonnées. Des assiettes et des verres traînaient sur des tables, laissées là par les serviteurs à peau basanée qui rôdaient sans cesse dans cette vaste demeure. Deux fusils pendaient à deux clous sur le mur. Et dans les encoignures, on voyait des bêches, des lignes de pêche, des feuilles de palmiers séchées, des objets de toute espèce posés au hasard des rentrées et qui se trouvaient à portée de la main pour le hasard des sorties et des besognes. Mon hôte sourit. « C'est le logis. Ou plutôt, le taudis d'un exilé, dit-il. Mais ma chambre est plus propre. Allons-y. Je crus, en y entrant, pénétrer dans le magasin d'un brocanteur, tant il était rempli de choses, de ces choses disparates, bizarres et variées qu'on sent être des souvenirs. Sur les murs, deux jolis dessins de peintres connus, des étoffes, des armes, épées et pistolets. Puis, juste au milieu du panneau principal, un carré de satin blanc encadré d'or. Surpris, je m'approchai pour voir, et j'aperçus une épingle à cheveux piquée au centre de l'étoffe brillante. Mon hôte posa sa main sur mon épaule. « Voilà, dit-il en souriant, la seule chose que je regarde ici, et la seule chose que je vois depuis 10 ans. Monsieur Prudhomme proclamait, ce sabre est le plus beau jour de ma vie. Moi, je puis dire, cette épingle est toute ma vie. » Je cherchais une phrase banale. Je finis par prononcer. « Vous avez souffert par une femme ?» Il reprit brusquement. « Dites que je souffre comme un misérable. Mais venez sur mon balcon. Un nom m'est venu tout à l'heure sur les lèvres que je n'ai point osé prononcer. Car si vous m'aviez répondu morte, comme vous avez fait pour Sophie Astier, je me serais brûlé la cervelle, aujourd'hui même. » Nous étions sortis sur le large balcon où l'on voyait de golf, l'un à droite et l'autre à gauche, enfermés par de hautes montagnes grises. C'était l'heure crépusculaire où le soleil disparu n'éclaire plus la terre que par les reflets du ciel. Il reprit. « Est-ce que Jeanne de Limours vit encore ?» Son œil s'était fixé sur le mien, plein d'une angoisse frémissante. Je souris. « Parbleu ! Et plus jolie que jamais !»« Vous la connaissez ?»« Oui. » Il hésitait. « Tout à fait ?»« Non. » Il me prit la main. « Parlez-moi d'elle. » « Mais je n'ai rien à en dire. C'est une des femmes, ou plutôt, une des filles les plus charmantes et les plus cotées de Paris. Elle mène une existence agréable et princière. Voilà tout. » Il murmura. « Je l'aime. » Comme s'il eût dit « Je vais mourir. » Puis, brusquement, « Ah !» Pendant 3 ans, ce fut une existence effroyable et délicieuse que la nôtre. J'ai failli la tuer 5 ou 6 fois, et elle a tenté de me crever les yeux avec cette épingle que vous venez de voir. Tenez, regardez ce petit point blanc sous mon œil gauche. Nous nous aimions. Comment pourrais-je expliquer cette passion-là? Vous ne la comprendriez point. Il doit exister un amour simple, fait du double élan de 2 cœurs et de 2 âmes. Mais il existe assurément un amour atroce, cruellement torturant, fait de l'invincible enlacement de 2 êtres disparates qui se détestent en s'adorant. Cette fille m'a ruiné en 3 ans. Je possédais 4 millions qu'elle a mangés de son air calme, tranquillement, qu'elle a croqué avec un sourire doux qui semblait tomber de ses yeux sur ses lèvres. Vous la connaissez? Elle a en elle quelque chose d'irrésistible. Quoi? Je ne sais pas. Sont-ce ces yeux gris dont le regard entre comme une vrille et reste en vous comme le crochet d'une flèche? C'est plutôt ce sourire doux, indifférent et séduisant qui reste sur sa face à la façon d'un masque. Sa grâce lente pénètre peu à peu, se dégage d'elle comme un parfum de sa taille longue, à peine balancée, quand elle passe, car elle semble glisser plutôt que marcher, de sa voix un peu traînante, jolie, et qui semble être la musique de son sourire, de son geste aussi, de son geste, toujours modéré, toujours juste, et qui grise l'œil tant il est harmonieux. Pendant 3 ans, je n'ai vu qu'elle sur la terre. Comme j'ai souffert, car il me trompait avec tout le monde. Pourquoi? Pour rien. Pour tromper. Et quand je l'avais appris, quand je la traitais de fille et de gueuse, elle avouait tranquillement. « Est-ce que nous sommes mariés ? » disait-elle. Depuis que je suis ici, j'ai tant songé à elle que j'ai fini par la comprendre. Cette fille-là, c'est Manon Lescaut revenue. C'est Manon qui ne pourrait pas aimer sans tromper. Manon pour qui l'amour, le plaisir et l'argent ne font qu'un. Il se tut. Puis, après quelques minutes, quand j'eus mangé mon dernier sou pour elle, elle m'a dit simplement « Vous comprenez, mon cher, que je ne peux pas vivre de l'air et du temps. Je vous aime beaucoup. Je vous aime plus que personne, mais il faut vivre. La misère et moi ne ferons jamais bon ménage. Et si je vous disais pourtant qu'elle quelle vie atroce j'ai menée à côté d'elle. Quand je la regardais, j'avais autant envie de la tuer que de l'embrasser. Quand je la regardais, je sentais un besoin furieux d'ouvrir les bras, de l'étreindre et de l'étrangler. Il y avait en elle, derrière ses yeux, quelque chose de perfide et d'insaisissable qui me faisait l'exacrer. Et c'est peut-être à cause de cela que je l'aimais tant. En elle, le féminin, l'odieux et affolant féminin était plus puissant qu'en aucune autre femme. Elle en était chargée, surchargée comme d'un fluide grisant et vénéneux. Elle était femme, plus qu'on ne l'a jamais été. Et tenez, quand je sortais avec elle, elle posait son œil sur tous les hommes d'une telle façon qu'elle semblait se donner à chacun d'un seul regard. Cela m'exaspérait et m'attachait à elle davantage, cependant. Cette créature, rien qu'en passant dans la rue, appartenait à tout le monde, malgré moi, malgré elle, par le fait de sa nature même, bien qu'elle eût l'allure modeste et douce. Comprenez-vous? Et quel supplice! Au théâtre, au restaurant, il me semblait qu'on la possédait sous mes yeux, et dès que je la laissais seule, d'autres, en effet, la possédaient. Voilà 10 ans que je ne l'ai vue, et je l'aime plus que jamais. La nuit s'était répandue sur la terre. Un parfum puissant d'oranger flottait dans l'air. Je lui dis, « La reverrez-vous ? » Il répondit, « Parbleu ! J'ai maintenant ici, tant en terre qu'en argent, 700 à 800 000 francs. Quand le million sera complet, je vendrai tout et je partirai. J'en ai pour 1 an avec elle, une bonne année entière. Et puis adieu, ma vie sera close. » Je demandai, « Mais ensuite ?»« Ensuite ? Je ne sais pas. Ce sera fini. Je lui demanderai peut-être de me prendre comme valet de chambre. »